Dis-moi tout. Troisième niveau. Documents oraux. Centre rose. Leçon 2. Activité 2. Une fleur. Une fleur que je sème, que je sème. Une fleur que je sème dans mon pot. Une fleur qui pousse, une fleur qui pousse dans mon pot. Une fleur qui sent bon, une fleur qui sent bon dans mon pot. Une fleur que je coupe, une fleur que je mets dans l'eau. Une fleur qui aime, une fleur qui aime boire de l'eau. Leçon 3. Activité 1. Le tournesol. Leçon 5. Activité 1. Le jardin de Clafoutis. Clafoutis a un petit jardin. Il n'est pas très grand, mais ça ne fait rien. Elle a beaucoup de choses dans son jardin. Oh, regarde! Berlingot, regarde! Les radis commencent à pousser. Je les ai semés il y a seulement une semaine. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la rhubarbe. De la quoi? De la rhubarbe. C'est très bon. On peut en faire de la confiture et des tartes. Ah, bon. Oh oh, que fait cette chenille sur ce plant de tomate? Tu veux que je mette de l'insecticide? Non, ne fais surtout pas ça. C'est très mauvais pour les légumes et pour notre environnement. J'ai une autre idée, Clafoutis. Leçon 5, activité 2. C'est au mois de mai. C'est au mois de mai que tous garçons et filles, c'est au mois de mai que tous garçons et filles vont se promener pour cueillir des jonquilles, vont se promener pour cueillir des jonquilles. Ils cueillent par-ci, ils cueillent par-là de jolies jonquilles. Ils cueillent par-ci, ils cueillent par-là, cueillent des jonquilles. Ils cueillent par-ci, ils cueillent par-là de jolies jonquilles. Ils cueillent par-ci, ils cueillent par-là, cueillent des jonquilles. C'est au mois de mai que dansent les chenilles. C'est au mois de mai que dansent les chenilles. Autour des jonquilles, elles s'entortillent. Autour des jonquilles, elles s'entortillent. Elles s'entortillent. chenilles s'entortillent comme cela autour des jonquilles. S'entortillent comme ceci, les petites chenilles s'entortillent comme cela autour des jonquilles. Leçon 6, activité 2. Les fleurs de mon cœur. J'ai des fleurs partout, je les aime beaucoup. J'en ai plein à ma maison et en toute saison. J'ai de petites fleurs bleues, comme les yeux de Mathieu. Je les trouve au printemps et les cueille pour maman. J'en ai des rouges aussi, je les donne à Marie. C'est la couleur du cœur, c'est la couleur du bonheur. Leçon 7, activité 1. La promenade de Berlingot et de Clafoutis. Lundi, j'ai vu une chenille verte qui mangeait une feuille de laitue. Mardi, j'ai vu une coccinelle rouge et noire qui se reposait sur une pomme de terre. Mercredi, j'ai vu des pucerons verts sur une feuille de radis. Jeudi, j'ai vu une fourmi noire qui transportait une miette de pain. Vendredi, j'ai vu un papillon bleu et noir qui dormait sur une rose jaune. Samedi, j'ai vu une abeille jaune et noire qui butinait sur une marguerite. Et dimanche, j'ai vu 1000 mouches noires autour de ma tête. Leçon 8, activité 2. Les insectes et les fleurs. J'aime bien les petites bibites, même si parfois elles piquent. J'aime encore plus les fleurs, je les connais par cœur. Une gentille chenille visite une jonquille et le fil de la soie, douce comme un camélia. J'aime bien les petites bibites, même si parfois elles piquent. J'aime encore plus les fleurs, je les connais par cœur. J'ai vu une coccinelle, très petite et très belle, s'approcher d'un puceron et l'avaler tout rond. J'aime bien les petites bibites, même si parfois elles piquent. J'aime encore plus les fleurs, je les connais par cœur. Les muguets, les lilas, au parfum délicat, attirent les papillons par leur nectar si bon. J'aime bien les petites bibites, même si parfois elles piquent. J'aime encore plus les fleurs, je les connais par cœur. Une abeille agrippée a une jolie pensée, s'amuse à butiner et retourne au rucher. J'aime bien les petites bibites, même si parfois elles piquent. J'aime encore plus les fleurs, je les connais par cœur. Une armée de fourmis autour d'un buisson-lit se régale de pollen en frottant leurs antennes. J'aime bien les petites bibites, même si parfois elles piquent. J'aime encore plus les fleurs, je les connais par cœur. Leçon 10, activité 2. Une coccinelle, un pissenlit et un tournesol. C'est comme si elle devenait son amie. plante tournesol s'étire sous la pluie, c'est qu'il cherche le soleil son ami. Puis quand le pissenlit salue le tournesol, la coccinelle s'envole et quitte son ami. Leçon 11, activité 2. Mes confidences. J'ai vu un oiseau dans un nid. Il m'a dit, regarde la fleur que j'ai cueillie. J'ai vu une fourmi dans un nid. Elle m'a dit, regarde le joli pissenlit. J'ai vu une rose dans le jardin. Elle m'a dit, regarde la rosée du matin. Enrichissement écoute. Activité 1. L'histoire de Muguet. J'ai rencontré une fleur très spéciale. Elle a de jolies petites clochettes blanches et s'appelle Muguet. Elle pense qu'elle est une fleur spéciale à cause de sa belle couleur blanche. Un jour, elle rencontre une rose jaune et lui demande « Est-ce que je suis la seule fleur blanche ?»« Non, répond la rose. Chez moi, il y a des roses blanches. »« Ah bon ?» dit la petite fleur à clochette, un peu déçue. Elle poursuit son chemin et rencontre un peu plus loin une violette. Elle s'arrête et lui demande « Dis-moi, violette, est-ce que je suis la seule fleur blanche ?»« Mais non, répond la violette. Chez moi, il y a aussi des violettes blanches. » La petite fleur à clochette est très triste maintenant. Elle se rend chez la pivoine rouge et lui demande à son tour « Est-ce que je suis la seule fleur blanche ?»« Oh non !» répond la fleur. « Il y a beaucoup de pivoines blanches chez moi. » La petite fleur à clochette pleure beaucoup. Une tulipe noire qui passait par là s'approche de Muguet. « Pourquoi pleures-tu ainsi, Muguet ?» Je pleure parce que je ne suis pas spéciale. Je suis blanche comme les autres fleurs. Sais-tu ce que la tulipe noire lui a répondu? Bien sûr que tu es blanche comme les autres fleurs. Mais ton parfum, lui, est spécial. Notre petite fleur à clochette blanche a tout de suite retrouver son sourire. Tu sais, si le muguet est connu dans le monde entier, c'est grâce à son parfum. Voilà, mon histoire est finie. Enrichissement culture. Activité 1. Pour toi, maman chérie. Pour ta fête aujourd'hui, pour toi, maman chérie, je t'offre avec mon cœur un joli bouquet de fleurs. Tu m'as donné la vie, tu es ma grande amie, tu me prends par la main, tu consoles mes chagrins. Pour ta fête aujourd'hui, pour toi, maman chérie, je t'offre avec mon cœur un joli bouquet de fleurs. Tu es la meilleure mère, tu es la plus sincère, la plus belle, la plus chère qui se trouve sur la terre. pour ta fête aujourd'hui, pour toi, maman chérie. Je t'offre avec mon cœur un joli bouquet de fleurs. Pour ta fête aujourd'hui, pour toi, maman chérie. Je t'offre avec mon cœur un joli bouquet de fleurs.